Yo! Yeah, this is Street Dangerous. I big up Selecta Marwan. Big up Philosophic Sound System. Yeah! Yeah, man, to be welcome back again. Original Ragga Dog for school. Yeah! Du son qui peine, si t'es ready pour la dance, vas-y, vas-y, lève la main dans les airs. On est toujours à l'attaque, prêt pour qu'il les bambou clap. Tout le monde lève la main dans les airs. C'est nous les real, t'as pas le tap, mon vieux body don't stop. Let me see you put your hands in the air. C'est comme ça partout on passe, on vient faire bouger les masses. Bad boy, lève la main dans les airs. On vient allumer une flamme, c'est pour toutes les jeunes femmes, c'est pour tous les badman, c'est ambiance Jamaican. Sur une big production, un DJ mauvais garçon. Les massifs sont d'accord, vas-y pousse le son. Everybody hands up, welcome to dancehall killer. Hands up, c'est parti, on y va. Everybody hands up, de Paris jusqu'à Madinina. Everybody hands up, tout le monde lève son bras. On est bouillant, on est chaud, ouais, on est ata ata. On prend le rythme, on prend le micro, on est revenu d'être ça. On prend les foules d'assaut à Gens. Un lyril calcage ma son moya Medara. Je reviens big up tous mes beaucoup mes soldats. Je reviens big up tous les ghetto youth, tous les Batman et tous les gars qui ont nous rien à foutre. Je reviens big up toutes les gars dans la danse qui sont sexy. On a le flow dont elles ont envie. Ouais, c'est le père du son qui bonne. Si t'es ready pour la dance, vas-y, vas-y, lève la main dans les airs. On est toujours à l'attaque, prêt pour qu'il les bombes au clap. Tout le monde lève la main dans les airs. C'est nous les real, tap à tap, grab notre body don't stop. Let me see you put your hands in the air. C'est comme ça partout on passe, on vient faire bouger les masses. Bad boy, lève la main dans les airs. Pussy Wall, tu sais pas qui démarre. Mathieu Ruben, c'est moi ton pire cauchemar. J'suis un putain de bosseur, j'suis un putain de couche-tard. Va leur dire qu'on n'est pas sortis de nulle part. Non! On a toujours raison, ils ont tort. Du 9-3 au 9-1, on vient mettre tout le monde d'accord. Raga Dub Force, je représente jusqu'à la mort. On est revenu pour exploser les scores. Ouais, c'est pour tous les badman, tous les gars de mon quartier. Pour tous les badman, tout ça qui dangereux. Pour tous les badman, la maman futurée. Pour tous les badman, ma peu rue de chercher. Pour toutes les adgales qui savent remuer leur bamba. Pour toutes les adgales, les celles qui dorment pas. Pour toutes les adgales, celles qui contrôlent sur leur gars. Pour toutes les adgales, nous voilà. Ouais, c'est le père du son qui bonne. Si t'es ready pour la dance, vas-y, vas-y, lève la main dans les airs. On est toujours à l'attaque, prêt pour qu'il les bambou clap. Tout le monde lève la main dans les airs. C'est nous les real, tap à tap, grab notre body don't stop. Let me see you put your hands in the air. C'est comme ça partout où on passe, on vient faire bouger les masses. Bad boy, lève la main dans les airs. Dis-toi que ce soir y'a pas de police pour qu'il avape du people. Dancehall, hardcore style pour ceux qui en veulent. Ceux qui voudraient casser l'ambiance et des calottes dans leur gueule. Quand le vrai son joue, y'a personne pour le fécule. Yeah. Ce soir y'a pas de soucis, oublie tes ennuis, pas de stress. Laisse ta timidité de côté et oublie tes complexes. Ce soir c'est carré dans la danse et mon son qui flex. On revient juste pour faire bouger tes fesses. Yo.